1996. Le PSG a gagné la Coupe des Coupes en mai, la France a été éliminée au tir au but en demi-finale de l'Euro en juin. J'ai passé juillet à la plage, août à la montagne en colonie de vacances et vu septembre débouler avec la rentrée des classes dans son cartable. J'ai 13 ans et demi. Je suis en quatrième, j'adore le foot, faire le mariole en cours et parler à mes potes de la fille avec qui je suis sorti en colo. Un bon gros mensonge, soyez-en sûrs. 2 heures par week-end, après avoir contrôlé mes devoirs, mes parents m'autorisent à jouer à la Mega Drive d'occasion qu'ils m'ont offerte au moment où la PlayStation sortait en France. C'est l'automne et les feuilles mortes se ramassent à la pelle, en même temps que les avertissements sur mon carnet de correspondance. La première fois que j'entends parler d'elle, nous sommes en décembre, et des amis qui ont une avance sur leur cadeau de Noël n'ont que ça à la bouche. Tomb Raider. Un nouveau jeu qui déchire, avec une meuf vraiment trop bonne. Enfin, c'est comme ça qu'ils présentent la chose. Moi, je suis privé de console depuis novembre, une rencontre parent-professeur plutôt désagréable. Mon seul réconfort vidéoludique, ce sont les parties en LAN de Duke Nukem 3D chez mon cousin et la lecture des joysticks qu'on fait tourner durant les heures de colle. Tomb Raider. Ce jeu devient une quête. Lara Croft. Ce nom devient une obsession. Je profite des vacances d'hiver pour enfin m'y plonger. Et là, déception. Je trouve ça chiant. Les puzzles me gonflent rapidement, le système de saut a vite raison de mes nerfs, enfin, mon skill défaillant surtout. Et puis, franchement, je ne vois vraiment pas ce qu'on lui trouve à cette nana. Une espèce de bimbo pourvue d'un amas de pixels en guise de poitrine. Je passe totalement à côté de l'expérience. Sans doute l'ai-je trop fantasmé avant d'y jouer pour en profiter pleinement. Toujours est-il qu'à cette époque, je ne me fais pas ce genre de réflexion, préférant retourner dans les catacombes de Paris. Mon cousin a eu les chevaliers de Baphomet sous le sapin, et je kiffe déjà ce fleuron du point and click d'aventure, le délicieux accent anglais de George Stobart et le nez de clown. Mes amis peuvent bien causer Lara Croft, Pamela Anderson, voire Tabata Cash, moi je suis tombé amoureux de Sophie Marceau dans La fille de D'Artagnan. Niveau jeux vidéo, mon crush est Nicole Collard. À la sortie de Tomb Raider 2, je n'ai plus aucune envie de goûter au nouvel opus de celle que je considère alors comme la Lolo Ferrari des chasseurs de trésors. Je me fais cependant graver le jeu pour écouter la mythique bande originale signée Nathan McCree. C'est la belle époque ça, les bandes originales directement accessibles sur CD grâce au piste audio intégré. Mais à aucun moment je ne lance le jeu. Nous sommes en 1997, et pour la première fois de ma vie je possède un ordinateur. Passant mon temps libre sur Dark Force 2, Jedi Knight et Diablo. Au fil des ans, les nouvelles aventures de Lara se font donc sans moi. Je reste spectateur quand mes potes font tourner les jeux sur leur console, et les adaptations au cinéma me font rire avec complaisance. Le seul petit truc qui attise un peu ma curiosité, c'est d'apprendre qu'il y a un avatar de l'archéologue Jean-Yves Rampreur dans Tomb Raider La Révélation Finale. Mais ce n'est pas suffisant pour que je touche au jeu cependant. Il peut bien y avoir des Tomb Raider Legend, Anniversary ou Underworld, je n'en ai cure. Lara et moi, ce n'est pas fait pour marcher. 2010. Le PSG a gagné la Coupe de France en mai, la France a été ridicule à la Coupe du Monde en juin, et j'ai pu profiter de l'été sur la terrasse de mon nouvel appartement. J'ai 27 ans. Une vie étudiante rangée dans des cartons à la cave, un boulot qui me plaît bien, un PC qui fait enfin tourner des jeux récents, et les consoles de salon qui me permettent de jouer à la fois aux exclus Microsoft et aussi celles de Sony. Lorsqu'en fin d'année Square Enix annonce le développement d'un nouveau Tomb Raider, je suis aussi intéressé que s'il s'agissait du nouvel album de Frédéric François. Ils ont beau dire que ce serait un reboot de la saga, moi les news que j'attends le plus ce sont celles sur Uncharted 3. Nathan Drake, voilà un aventurier que je kiffe. Du fun, des persos attachants, de l'action roller coaster, quelques énigmes pas trop prises de tête et des références à Indiana Jones et aux aventures old school qu'on trouvait autrefois dans les vieux pulps. 6 mois plus tard, E3 2011. Premier trailer pour le fameux reboot de Tomb Raider. Et là, coup de savate en plein dans le museau. Il me suffit d'une séquence cinématique, d'une voix qui préfigure la formidable performance de l'actrice Camilla Luddington, d'un minois tout nouveau tout frais et d'un thème musical entêtant, pour que je comprenne qu'il y a de fortes chances que cette fois-ci je sois branché. Je me mets donc à suivre assidûment le projet des gars de Crystal Dynamics. Et lorsque le jeu sort enfin, en 2013, je l'ai day one dans le lecteur de ma PS3. Durant un week-end, je vais en baver avec Lara, l'aider à se forger, bataillant pour sa survie et son humanité, et triompher des hommes et des éléments à ses côtés. En un week-end, je vais faire ce que je n'avais pas fait en 17 ans. je vais craquer pour Lara. Ou comment, à 30 ans, se faire rattraper par le crush de mes potes d'adolescence. Le jeu va cartonner et relancer une saga qui cherchait un nouveau souffle. Il y a évidemment des fans déçus qui déplorent un trop-plein d'action, pas assez d'énigmes ou de lieux différents et tombeaux à explorer, d'autres qui jugent que cela ressemble trop à du Uncharted, et puis d'autres pour qui, de toute façon, c'était mieux avant. Pour moi, malgré certains défauts, notamment des personnages secondaires aussi charismatiques que des paresseux empaillés, ce jeu est une putain d'expérience. Une aventure mixant du Lost, The Descent ou encore Deliverance. Jouissif, et en même temps bien nerveux et tendu, voire carrément glauque par moments. La réécriture du personnage de Lara Croft est plutôt osée car elle s'attache à lui retirer son statut d'icône pour le remplacer par celui d'une personne. Cela paraît tout bête dit ainsi, mais c'est ce qui fait pour moi tout le charme de la nouvelle Croft. Avec ce Tomb Raider, les développeurs vont même, dans une scène particulièrement difficile à jouer, à voir, à vivre, désacraliser violemment le fantasme sexuel que Lara représentait jusqu'à présent. Je parle ici évidemment de la séquence de tentatives de viol qui a fait couler pas mal d'encre, à défaut de neurones, chez certains moralisateurs bien trop pressés de taper sur le jeu vidéo et ses dérives que de réfléchir sur la réelle signification de cette scène qui était aux antipodes de toute putasserie facile ou voyeurisme complaisant. À la fin de cette première épreuve, Lara est prête pour de nouvelles aventures, dans sa nouvelle peau et surtout dans sa nouvelle incarnation. Le reboot est total, et moi, je suis conquis. 2016. Le PSG est champion de Ligue 1 dès le mois de mars. Depuis le début de l'année, la menace d'attentats terroristes plane sur le bon déroulement de l'Euro de foot qui aura lieu l'été suivant en France, et un dégât des eaux m'a contraint à refaire entièrement mon salon. J'ai 33 ans, un appartement remastered, un ordinateur tout neuf qui m'a forcé à contracter un emprunt bancaire, une PS4 qui attend Uncharted 4 pour mai, et de bonnes résolutions de janvier qui se sont faites la malle dès février, en même temps que mon ancien PC. Rise of the Tomb Raider est sorti en novembre 2015, exclusivement sur Xbox One, console que je ne possède pas. Cette exclusivité a déchaîné les passions bien avant que le jeu ne débarque dans les bacs. Des cohortes de fans Microsoft se sont bouffés le nez avec des légions de Sony Boys, chacun prêchant pour sa paroisse, l'étendard dressé au vent, les armes trollesques affûtées. Personnellement, j'aurais préféré que le jeu voie le jour sur toutes les plateformes. Mais connaissant la politique de Microsoft, je me doutais bien que tôt ou tard, le nouveau bébé de Crystal Dynamics sortirait sur PC. Et ça n'a pas loupé. Qu'il sorte finalement à l'automne 2016 sur PS4 est une bonne chose, mais à ce moment-là, cela ne me concerne plus. Janvier 2016 voit donc l'arrivée sur PC des nouvelles aventures de Lara. Le hasard faisant parfois bien les choses, mon ordinateur tout neuf et sa carte graphique toute neuve sont livrés mi-février avec le jeu offert en cadeau. Je l'installe en suivant, mais n'y joue pas. Comme si j'avais peur d'être déçu par ce nouveau rencard. Durant 2 semaines, je résiste à la tentation. Puis une semaine de vacances arrive, une semaine de pluie. Je tourne en rond le premier jour, hésite le second, et le troisième part en Syrie puis en Sibérie avec Miss Croft. Cette fois encore, je vais kiffer l'aventure. Sans doute est-elle moins saisissante que la précédente. Peut-être se repose-t-elle un peu trop sur son savoir-faire. Mais le dépaysement est bien au rendez-vous. La direction artistique somptueuse, les tombeaux plus nombreux et variés, et la consistance du personnage toujours présente. Même la caractérisation des persos secondaires a également été améliorée. Alors on est certes bien loin de ce qui peut se faire de mieux, mais il y a eu un effort et c'est à signaler. Et lorsque la dernière séquence du jeu s'efface de l'écran, j'ai envie de prendre ma DeLorean et rouler vers un futur proche à la date où le prochain Tomb Raider sortira. Afin de vérifier de suite si je suis toujours sous le charme ou si la recette ne sent pas trop le réchauffer. Si je ne vais pas me lasser de Lara, et avec elle d'une certaine façon de jouer et d'aborder ses aventures. Cette vérification faite, peut-être prendrai-je de nouveau ma DeLorean, filant cette fois-ci dans le passé, près de 20 ans plus tôt, me garant devant ce jour où pour la première fois je mis les mains sur un Tomb Raider. Chez qui trouverai-je alors le plus de changements? Le modèle pixelisé en mini-short ou l'ado boutonneux à appareil dentaire? Autre temps, autre Lara, autre moi. Ce premier opus restera toujours le même, immuable dans son gameplay et son histoire, à la différence des souvenirs qui évoluent et se distordent selon les caprices de ma mémoire et des émotions qu'ils suscitent. La chanson de Lara est ainsi. Une chanson dont certains couplets s'égarent en route,